dans la vie. Et qu'à faire moins songer, un jour nous t'es heureux. Je t'ai rencontré. Ni des moments dans la vie. Et qu'à faire moins songer, des moments malheureux. Quand tu m'as dit, tout est fini. Ni des minutes dans la nuit. Et qu'à faire moins rêver, des moments inoubliables. Et nous passer ensemble. Ni des minutes dans la nuit. Qui a fait me rêver les moments inoubliables. Où je t'ai embrassé. Non, non, non, non, non. Oh, oh, oh. Je me souviens quand tu m'as dit tout est fini. En cas songer toutes les rêves, les moments difficiles. Oh non, va nous vivre tendrement, va nous vivre sentiment, va nous vivre tendrement. Va nous vivre bien tendrement, va nous vivre sentiment, va nous vivre bien tendrement. La vie y a des bâches faciles, ni des moments qui difficiles. Même si des fois ou qu'à sourire, pas ni l'amour, pas ni plaisir. La vie y a des bâches faciles. Ni des moments qui difficiles. Même si des fois ou qu'à sourire. Pas ni d'amour, pas ni plaisir. On t'y fait carter. On t'y fait chamber. On t'y fait nourrir des sentiments. Oh, oh, oh, oh. On t'y fait carter. Oh. On t'y fait chamber. Oui, baby, on t'y fait nourrir des sentiments. Seguida. Ay, Sadus. La vie a des bâches faciles, ni des moments qui difficiles. Même si des fois ou qu'à sourire, pas ni d'amour, pas ni plaisir. La vie a des bâches faciles, ni des moments qui difficiles. Même si des fois ou qu'à sourire, pas ni d'amour, pas ni plaisir. On t'y fait carter. Oh. On t'y fait chamber. Oui, baby, on t'y fait nous vivre. Des sentiments, oh, oh, oh, oh. On t'y fait carter. Oh. On t'y fait chamber. Oui, baby, on t'y fait nous vivre. Des sentiments. Il n'y a des tiens qui remplissent. Et puis l'amour et puis tendresse. Il y a des cœurs que l'on déchire comme des feuilles de papier. Comment veux-tu que je t'oublie? Toi qui m'as donné envie. De tout vivre avec amour, je t'aimerai toujours. Des sentiments, oh, oh, oh, oh. On t'y fait carter. Oh. On t'y fait chamber. Oui, chérie. On t'y fait carter. Oh. On t'y fait chamber. On t'y fait nourrir des sentiments. Oh, oh, oh.